Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler de football avec notre ami Hugues Fauché. Salut Hugues. Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien Hugues. On va parler d'abord de ce qui s'est passé en fin de semaine dans la NFL. On fait toujours le post-mortem de la NCAA et de la NFL. Là-bas, on va commencer par la NCAA tiens, cette semaine. Écoute, Georgia qui a prouvé hors de tout doute qu'il était l'équipe à battre, a défait facilement Arkansas. Ça, c'était probablement le match de la semaine. Oui. Et c'est quoi? C'est 37-0 que ça a fini? Donc, c'est une déjouée. Oui, 37-0. Ouais. Oui, ça commence à se préciser un peu le portrait, là, dans le sens où Georgia, effectivement, 37-0. Alabama, également, continue à gagner. Alabama planté au Miss aussi, 42-21. Donc, à ce stade-ci, c'est vraiment les deux meilleures équipes, Georgia et Alabama. Mm. Donc, il faut souligner aussi... écoute, la victoire de Cincinnati contre Notre-Dame. Oui, c'est donc, une belle victoire, ça. Hein? C'est une belle victoire. Oui, 24-13. Écoute, ils ont tellement bien joué. Écoute, ça m'a surpris. Moi, j'avais l'impression que leur front défensif se ferait peut-être un peu défoncé parce qu'ils sont... Ils ont quand même un gros front défensif pour une équipe du Group of Five, mais d'habitude, ça se compare pas à une ligne à l'attaque de Notre-Dame, par exemple. Mais non, ils ont bien tenu le coup et puis ils ont gagné 24-13. Écoute, ça a été... c'est vraiment une équipe bien coachée. Et là, parce qu'il y a un manque cette année, la porte est ouverte. S'il y a un jour une équipe du Group of Five qui réussit à faire les séries, ça risque d'être Cincinnati cette année, je te dirais, parce que à cause de l'effondrement, Clemson, ça va pas du tout. Ohio State, c'est moyen. Alors, puis il y a certaines équipes favorites qui sont Oregon vient de perdre contre Stanford 31-24. Oregon c'est troisième. C'est une bonne surprise. Oui, puis c'est oui, Ohio Oklahoma continue de gagner, mais ouais. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire, Oklahoma, qui est toujours un des favoris, a gagné, mais encore là, 37-31 contre Kansas State, c'est pas très glorieux. Non. Alors, je dirais que les favoris se sortent un peu du portrait les uns. Floride qui se fait surprendre par Kentucky 20-13. Alors, on dirait que la porte est peut-être en train de s'ouvrir pour une grosse surprise. Va falloir par contre que Cincinnati demeure invaincu. Et là, ils n'ont plus rien d'ici la fin de l'année sur leur calendrier pour impressionner le comité. Donc, mais c'est déjà fait. Ils ont battu Indiana, puis là, ils viennent de battre Notre-Dame. Alors, il leur reste à gagner le reste de leur match et puis d'être un peu chanceux. Puis que certaines équipes favorites se sortent, là, évidemment, du portrait. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils pourraient... Ils vont certainement être dans un bowl important au jour de l'an, mais peut-être même... faut pas enlever la possibilité qu'ils puissent peut-être faire partie des séries. Ça serait extraordinaire. OK. Si on parlait un peu de Clemson, tu as parlé de Clemson. Ils ont eu de la misère contre Boston College. Là, ils sont à quoi? Donc, ils sont 25e. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils ont eu toutes les misères du monde à battre Boston College, ça va faire en sorte qu'ils pourraient même être sortis du top 25? Je suis pas sûr que... Ben, c'est-à-dire... Encore là, c'est un top non officiel. Hein. C'est-à-dire que c'est fait par l'agence AP, c'est pas encore le comité. Okay. Mais je pense pas, quand ça va être le tour du comité, je serais surpris qu'on manque de respect à Clemson à ce point-là. Mais pour être honnête avec toi, leur performance depuis le début de l'année justifie pas du tout un top 25 pour moi. Mmh. Mais c'est Clemson, puis on sait que l'historique, c'est bien important. Fait que je pense qu'ils vont... Mais c'est vrai qu'ils sont sur le bord, puis ils ont pas été très impressionnants. Alors, peut-être... Ouais, moi je pense qu'ils vont les garder quand même à cause de la réputation de l'université, mais effectivement, leur jeu ne mérite pas jusqu'à maintenant. Ils sont brouillons puis ils jouent pas bien comme ça. Penn State sont quatrième. Eux autres vont probablement monter en troisième, peut-être vont monter troisième grâce à leur victoire. Donc eux autres, c'est vraiment une certaine surprise. Oui, absolument. C'est le fun de voir Penn State. Ouais. performer comme ça. Par contre, ça va encore dépendre de leur capacité à gagner le Big Ten. Cette année, de la façon que ça va, il n'y aura pas plus qu'une équipe du Big Ten en série, s'il y en a une. Ouais. Alors, mais s'ils continuent comme ça, il faudrait qu'ils finissent la saison avec peut-être une défaite et la victoire du Big Ten là, pour être capable de faire les séries. Par contre, Ohio State est encore là, sont 11e, ils ont encore gagné en fin de semaine. Donc, il va falloir qu'ils battent Ohio State à un moment donné, là, down the road, s'ils veulent avoir des chances. Mais oui, Penn State, à date, ça va super bien. Puis oui, je pense que la troisième place va leur appartenir, effectivement, à cause de la défaite d'Oregon. OK, ben oui. Donc, OK, on va y aller maintenant avec du côté de la NFL en fin de semaine. Écoute, on s'attendait tous au retour de Tom Brady. Et le match a été un petit peu décevant dans l'ensemble. Bon, on l'avait dit que côté football, c'était pas le meilleur match non plus. Là. La pluie a fait en sorte que ça a joué beaucoup. Les Pats ont failli perdre, ont failli gagner à la fin du match. C'était quoi, 56 verges de Nick Foles qui étaient ratés. Pas les conditions idéales. Donc, dis-moi, comment tu as trouvé le retour de Tom Brady à Foxborough? Ah, je pense que les fans ont été fantastiques. Hein? Il a reçu une belle ovation. Ouais, il a reçu une belle ovation. Par la suite, non plus, ça n'a pas été trop. Les fans, en fait, l'ont ovationné quand il est arrivé. Par la suite, ils se sont rangés en arrière de l'équipe, ce qui est normal. Alors, ça a été vraiment là, beaucoup de place. On voyait beaucoup de fans interviewés avant le match. Ils disaient les bonnes choses. On le remercie pour tout ce qu'il a fait. C'est un grand joueur. Par contre, c'est sûr qu'une fois que le match va commencer, on est derrière notre équipe. Tu sais, c'est parfait, ça a été bien fait. Beaucoup de classe de la part des fans, comme d'habitude, des fans des Pats à Boston. Au sujet du match, je dirais ce que moi j'ai trouvé, c'est comment je peux dire ça? C'était un match beaucoup plus serré que ce à quoi je m'attendais, parce que si tu regardes la performance des Pats la semaine passée contre les Saints, moi je m'attendais à ce qu'ils fassent massacrer. Puis finalement, ils ont quand même bien joué. La défensive a été excellente. Brady était peut-être pas tout à fait... il n'avait pas sa A-game, on va dire. Nerveux. Il a manqué des passes. Hein? Il était nerveux, oui, puis c'est normal. Par contre, moi, je vais revenir sur la décision de Belichick, parce que c'est là que le match s'est joué. Là, on pourrait parler de beaucoup de choses dans ce match-là. Mais la décision, écoute, 4e et 3. Ouais, il reste une minute au match. Ouais, moi je cache pas que je serais allé pour le 4e et 3. Je vais t'expliquer pourquoi, là, à mon sens, que je comprends. Non, mais les conditions n'étaient pas idéales. T'es en 4e et 3. On s'entend que tes passes n'étaient pas capables de courir avec le ballon, mais à un moment donné, dans le match, Mac Jones a complété 19 passes consécutives. Mac Jones, il complète tout ce qui est dans zone courte ou intermédiaire, surtout courte, il complète toutes les passes. C'est jamais imprécis. Il prend des décisions rapides. Moi, je pense que on dit que les chances d'obtenir un premier jeu sur un 4e et 3 sont d'à peu près entre 50 et 55%, mais je pense que compte tenu des 19 passes complétées consécutives de Mac Jones, je pense que c'était plus que 50%. Là. Moi, j'aurais dit que c'est les probabilités auraient été quand même assez élevées. Et puis, c'est que ça te permet d'écouler le reste du temps. Tu redonnes pas le ballon à Tom Brady. Parce que même si le placement avait été réussi, 20 ans de Tom Brady, ça te montre à quel point, combien de fois, avec une minute à faire puis deux temps d'arrêt, il a remonté le terrain pour aller gagner le match. Tu sais, moi, je serais allé, j'aurais dû garder tout pour le tout. Un peu comme Jim Harbaugh l'a fait en début de saison avec Lamar Jackson quand il joue contre les Chiefs. Il a dit, regarde, moi, je ne redonne pas le ballon à Pat Mahomes. On va chercher le premier jeu, puis on tue l'horloge, puis on finit le match comme ça. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Honnêtement, puis je comprends toujours pas la décision de Belichick. Là, je pense pas qu'il va l'expliquer publiquement non plus. On n'aura jamais vraiment la réponse. Mais en tout cas, est-ce que c'est le genre de match qui peut virer la saison des Patriots de côté? Est-ce que c'est le genre de match où les joueurs peuvent se dire, écoute, si on est capable de faire ça contre les champions du Super Bowl, on a juste à jouer comme ça, puis on va gagner plus de matchs qu'on va en perdre? Ça se peut. Ça se peut, mais ce qui est sûr, Danny, c'est que les Patriots vont devoir fixer leur ligne à l'attaque parce qu'elle joue très mal. Là. Dès que Mac Jones essaie de garder le ballon, il se fait planter à chaque fois, pas capable de le protéger, pas capable d'ouvrir des brèches pour le jeu au sol. On a tous dit en début d'année que c'était une ligne à l'attaque qui serait dans le top 5 de la ligue, mais finalement, c'est pas ça du tout. C'est dans le bottom 10. C'est une mauvaise ligne à l'attaque. Il va falloir trouver une façon de fixer ça. Parce que là, tu as un corps recru qui lance le ballon 51 fois la semaine passée, 40 fois cette semaine, puis qui est mal protégé. Puis ça, éventuellement, ça va. Le petit gars joue bien, là, mais à un moment donné, il faudrait pas qu'il devienne un autre Derek Carr à force de se faire frapper sur tous les jeux. T'sais. Effectivement. Fait que on va surveiller ça de très très près. Dis-moi, si on parlait un peu des oui. autres matchs, écoute, les Cards de l'Arizona hier ont complètement. On a envoyé un message clair qui sont l'équipe à battre. Hey, c'est-tu beau à voir ça? Écoute, Kyler Murray joue un peu comme Pat Mahomes le fait normalement. Il est hallucinant. Il est tellement bon. Il a un bras extraordinaire. Il lit bien le jeu. Il est capable d'improviser quand c'est le temps. C'est comme entre la passe de 50 verges d'un numéro puis une course extraordinaire. Il est vraiment. L'équipe au complet joue bien défensivement. Ils ont planté les rangs. Écoute, c'était beau à voir. Puis moi, ça me pose une question. Je suis pas le plus grand fan de Matthew Stafford. Je vais dire ça comme ça. Il est bon. C'est un très, très bon corps arrière. Mais moi, je m'attendais quand il arriverait avec les Rams que il y aurait un genre d'effet de nouveauté. Tu sais, t'as un système de jeu qui est avec les Rams depuis quelques années, t'amènes un nouveau corps arrière qui est un bon corps arrière, tu changes les tendances, les défensives adverses ne savent pas trop quoi faire parce que c'est nouveau, c'est plus les mêmes tendances, puis éventuellement, tout le monde s'ajuste, puis là, tu connais un peu moins de succès à partir du moment où les défenses se sont ajustées. Est-ce que c'est ça qu'on a vu hier? Est-ce que là, les Rams, on va un petit peu percer le mystère de la caramilk ou est-ce qu'ils vont continuer d'être dominants? J'ai hâte de voir pour les prochaines semaines, mais ce qui est sûr que le plan défensif que les Cards ont utilisé va être réutilisé parce qu'ils ont vraiment dominé les Rams à tous les niveaux. Puis je pense qu'il va falloir qu'on commence à prendre les Cards de l'Arizona au sérieux. Là. Ah oui, effectivement. Très bonne équipe. Effectivement, donc on va surveiller ça de très très près. Ailleurs, Andy Reid, je suis pas un grand fan d'Andy Reid, mais Andy Reid il a remporté sa 100e victoire. Je pense qu'il devient le premier receveur avec 100 victoires des deux côtés, hein. C'est ça? Oui, je pense que oui, effectivement. Oui. Hey, oui, c'est bravo, c'est comment je peux dire ça? C'est quand même tout un coach, Andy Reid. Et puis écoute, il a toujours construit des équipes gagnantes partout où il est passé, à Philadelphie, puis de le faire comme match. Ça. Il a gagné une fois. Par contre, on a vu en Super Bowl l'année passée que c'était, tu sais, il y avait une ligne à l'attaque amochée. Par contre, tu t'organises pour composer quelle ligne à l'attaque. Tom Brady a eu toujours la meilleure ligne à l'attaque. Hein. Fait que c'est ça. Non, effectivement, oui. Oh non, absolument, tu as tout à fait raison. Il manque souvent le détail, mais là, ce qui est le fun, c'est qu'hier, il a réalisé ça contre son ancienne équipe aussi. C'est les Eagles que Kansas City a battu. C'est que c'est le fun. Ça aussi, tu sais, c'était un. On l'a moins publicité, évidemment, que Brady et le retour de Brady à Nouvelle-Angleterre, mais Andy Reid contre les Eagles, c'était quand même le fun aussi à voir. Effectivement. T'avais-tu d'autres choses qui t'ont envoyé qui t'a. Vraiment... Ben, écoute, je peux te dire, écoute, la chute des Steelers de Pittsburgh, là, qui se sont fait planter contre Green Bay, ça va pas du tout. Je sais pas si. Pour ceux qui ont regardé les matchs, mais moi, je me commence à me poser des questions si Ben Roethlisberger va. S'il n'est pas complètement. Écoute, je pense qu'il va la finir, mais. Puis je veux pas faire de l'overreaction, on est encore tôt dans l'année, puis Big Ben, ça lui est déjà arrivé de mal commencer des saisons, là. Mais j'ai vraiment l'impression que ce gars-là n'a plus rien dans le bras, là. Ben, j'ai vraiment l'impression... Écoute, il est dans l'âge pour ça, regarde, c'est quoi, 2004, son année de repêchage? Oui, puis oui, monsieur, 2004, ça c'est son extraordinaire saison recrue. Effectivement, 2004, puis écoute, oui, t'as raison, puis c'est pas un Tom Brady, c'est pas un gars qui a tant que ça pris soin de lui. Là. Il a eu souvent aussi des lignes. Il a joué très, très dur avec son corps aussi. Là. Ah oui, c'est fait. Non, lui s'est fait ramasser souvent. Puis c'est un gros gars. C'est un gars parfois étant à longe des jeux, c'est qu'il se fait souvent planter, il se fait souvent ramasser, plus que Brady, mettons. Mm. Alors, peut-être qu'il est rendu à la fin, hein. C'est... Ouais. Parce que tous les mais autres corps, Eli Manning, Philip Rivers, ils sont tous à retraite, son année de repêchage. Hein. Son année de repêchage, t'as raison. C'est vrai, Eli, Philip Rivers, c'est l'année passée. Eli, c'est de 2 ou 3 ans. Puis lui, c'est cette année-là aussi. Puis je vais te dire honnêtement, c'est ça, c'est Brady, puis mettons même un gars comme Drew Brees, nous ont fait oublier que d'habitude, un corps, ça dépasse pas 40 ans. Là. Non, c'est que, vrai. On prend ça, on pense que c'est normal, mais moi, en tout cas, je peux te dire une chose, là, j'ai pas de plaisir à regarder un grand joueur comme ça jouer aussi mal. Là. C'est pas le fun. Ça commence à ressembler aux dernières années de Brett Favre. Là. C'est pas... J'espère que soit qu'il va se replacer, mais s'il se replace pas, j'espère qu'il va prendre la bonne décision à la fin de l'année parce que c'est vraiment pas à date. Là, c'est pas que lui, il a pas une bonne ligne à l'attaque. Najee Harris qui est une grande déception. Ça, c'est. Il a été repêché par Alabama. C'était Alabama qui était, puis on disait que c'est. Je me rappelle en début de l'année, on disait qu'il avait le profil du gros porteur de ballon des Steelers, mais c'est pas ça du tout. Là. Non. Puis il faut dire aussi, par contre, que. J'ai l'impression que la ligne à l'attaque ne fait peut-être pas d'énormes ouvertures non plus. Tu sais, cette ligne-là, on en arrache beaucoup. Je ne sais pas honnêtement comment les Steelers ont pensé pouvoir rentrer dans la saison avec cette ligne à l'attaque-là et connaître du succès. Mais il s'est rapiécé. Tu sais, c'est vraiment une ligne à l'attaque là, qui manque de talent. Puis honnêtement, tu as un corps arrière qui est âgé, qui n'est pas parti. Qui n'est plus aussi mobile qu'il a déjà été. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que. Tu sais, on sait que les Steelers, c'est la plus longue série de saison avec plus. J'ai inventé en début de saison, je disais que c'était toute une organisation. Fait que là, hein? Oui. Exactement. Ça fait depuis le début des années 2000, je pense qu'ils n'ont pas eu une saison perdante. Mais là, je pense que c'est. Je pense que ça risque d'arriver cette année. Ça va vraiment pas bien. Puis cette division-là, les Bengals, ça, c'est très drôle. Les Browns sont en première place. Ça, c'est vraiment très drôle parce que tu t'attends pas nécessairement. Ça a toujours été l'inverse. Là, mais ce que je veux dire, c'est que la division est vraiment compétitive. Ouais. Les Bengals sont mieux qu'on pensait. Les Browns sont bons. Les Ravens sont forts aussi. Alors, il ne reste pas grand place pour les Steelers. Ils ne gagneront pas beaucoup de matchs intra-division puis ils vont finir avec une mauvaise fiche. J'ai l'impression. Mais ouais. Ça, moi, je voulais le souligner parce que je trouve ça plate de voir peut-être une carrière ou une aussi grande carrière, peut-être qu'il ne va pas nécessairement bien se finir. Là. Effectivement. Gros match ce soir entre les Raiders et les Chargers en terminant. C'est un gros test pour les Chargers, les Raiders. Ah oui. Los Angeles. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va. Si les Raiders gagnent, il va falloir commencer à les prendre au sérieux aussi. Là. C'est un gros match pour les Raiders. Écoute, honnêtement, Derek Carr connaît une méchante de bonne saison. Justin Herbert est égal à ce qu'on pensait qu'il serait. C'était excellent aussi. Ça va être un beau duel de corps arrière ce soir, puis un match. Non seulement, c'est que ça. C'est deux bonnes équipes, mais tu sais, c'est deux équipes qui jouent du football qui est le fun à regarder. Ça risque d'être un beau match en plus d'être un bon match. Fait que c'est sûr qu'on va suivre ça ce soir. OK. Hugues, on se reparle bientôt. Notre ami Hugues Boucher du site internet, le bitsnfl.com.